Le retour du Corindon par André Roset. Quand nous avions joué dans le jardin bordé de buis, qui sentait le thym, la mélisse et la menthe, dans la voilerie où de vieux hommes qui avaient navigué jadis réparaient les voiles pour la prochaine campagne de pêche à Terre-Neuve, nous revenions toujours au grenier, ma cousine Annie et moi. Dans cet antre mystérieux qui s'étendait sur toute la maison, s'entassaient des merveilles depuis des siècles. Nous y pénétrions à pas de velours comme les chats, impressionnés par ce cimetière de meubles, d'objets, d'oripeaux hétéroclites qui résumait sous sa poussière toute l'histoire de la famille. Ce fronton d'armoire vermoulue avait appartenu, disait-on, à François-Gérard de la Landelle, parti pour les Indes orientales en 1601 avec Pirard de Laval et qui vécut prisonnier chez les sauvages des îles Maldives. Ces gabarits de goélettes, grands comme des jouets, étaient les modèles des navires que lançaient marins de la Hersonnière, constructeurs et armateurs. Dans ce miroir taché, brisé, qui ne reflétait plus que des fragments d'images, la tante Isabelle, morte sur l'échafaud, avait vu se faner son teint pur que conservait un portrait du grand salon. Ici, un châle des Indes rongé voilait la chaise bancale de l'oncle Pierre-Marie, compagnon de surcouf, que les Anglais gardèrent 6 ans sur un ponton avec son frère Jean, pour les avoir capturés tandis qu'ils faisaient la course. Là s'empilaient des coffres de marins, épais, lourds, cloués de cuivre, et nous évitions toujours de frôler l'un d'eux sur lequel, à bord de la boudeuse, en 1850, notre arrière-grand-père avait succombé à la fièvre jaune. Tout au fond du grenier, près d'une fenêtre grise qui ne s'ouvrait plus, mais d'où l'on voyait la mer, nous avions emménagé une sorte de petit salon avec des caisses et des bouts de tapis. Annie s'asseyait, et les mains jointes, levait vers moi ses yeux bleus. « Raconte-moi une histoire. » Une gravure jaunie dont je déchiffrais mal la légende, un coquillage, un débris de corail poussiéreux qui avait brillé dans les eaux du Pacifique, une calebasse naïvement sculptée par un nègre, un lambeau de costume, tout devenait prétexte à récit, et immédiatement j'évoquais pour Annie des pays enchanteurs où son imagination suivait la mienne. À travers les carreaux doublés de toiles d'araignée, je lui montrais, lointaine, la baie de Saint-Malo et la mer nue. « Tu vois, c'est par là qu'il y a très longtemps, le capitaine Jacques Cartier partit pour aller découvrir le Canada. Les bateaux à vapeur ne marchaient pas encore. Il n'y avait que 2 voiliers, et ils n'étaient même pas aussi grands que ceux qui vont pêcher la morue pour nous à Terre-Neuve. » N'étant pas très renseigné sur les péripéties de l'expédition, je faisais évoluer Jacques Cartier dans une contrée où les palmiers, les arbres à lait, les cocotiers lui fournissaient des vivres en abondance. L'aventure se compliquait d'un mariage avec la reine des Indiens. Annie adorait les histoires sentimentales, que rehaussait la beauté de princesses persécutées. Elle disait « J'aimerais vivre chez les sauvages. Eh bien, plus tard, nous aurons un navire à nous, et nous irons dans les îles où il y a des sauvages, des perles et des oiseaux de paradis. » Plus tard, mes histoires s'embellirent de tout ce que je lisais dans Jules Verne et Louis Bousnard. Les sorciers, les anthropophages effrayaient un peu Annie, mais elle m'écoutait toujours avec ravissement. Elle ne jouait pas à la poupée. Ce n'était pas une fille comme les autres. En hiver, quand les bateaux revenaient de Saint-Pierre-et-Miquelon, nous allions passer nos jeudis à bord. Les hommes nous racontaient des mutineries et des naufrages. Annie avait 13 ans quand elle perdit sa maman. Son père, qui commandait le Corindon, un grand trois-mâts carré avec une figure de proue grimaçante sous son beaupré, naviguait aux Antilles. Il revint en été. Nous allions entrer en vacances, il annonça simplement. « Pour mon prochain voyage, j'emmène ma fille, ça la distraira. » J'aurais voulu partir aussi, mais le navire ne revenait qu'à l'automne, et je ne pouvais manquer la rentrée au collège. Annie paraissait encore si triste que je n'osais pas lui demander si elle était heureuse. Nous allâmes tous la conduire à bord. Elle disposait d'une toute petite cabine blanche à l'arrière. Quand le Corindon eut franchi la passe, nous revînmes à la maison presque sans parler. Je montai au grenier. Tant qu'une voile fut visible devant le cap Fréhel, je demeurai le visage contre la fenêtre. Et puis le grenier me parut plus grand, plus silencieux, et j'aurais préféré ne pas être en vacances. Chaque jour, je venais là. Je regardais la baie, la mer nue, sur laquelle Annie s'en était allée comme les navigateurs d'autrefois, qui découvraient des mondes, et je n'avais plus envie de lire. Anne écrivit d'abord des Bermudes, puis de La Havane, de Veracruz, de La Havane encore, de Porto Rico, de Saint-Pierre de la Martinique. Cela m'étonnait de reconnaître son écriture à côté de timbres étrangers, et je retournais longtemps les enveloppes venues de si loin, avant de les décacheter. Les spectacles nouveaux, toutes les choses curieuses décrites par elle me frappaient moins que le ton expansif de ses lettres. Il se dégageait de celle-ci un esprit d'indépendance, une joie de vivre que je ne lui connaissais pas. Anne y projetait d'accompagner encore son père en voyage, comme si je n'avais pas compté les jours qui me séparaient d'elle. Un après-midi d'octobre, mon oncle Cyprien, qui revenait du bureau de la marine, entra en disant « Le Corindon est signalé !» et toute la famille fut en révolution. La brise fraîchissait depuis le matin, et 2 heures plus tard, le beau trois-mâts que je connaissais si bien entrait dans l'avant-port. Annie était près de la barre et agitait son mouchoir. Quand elle sauta sur le quai, je remarquai d'abord qu'elle se tenait drôlement, déshabituée de la marche sur terre par le roulis et le tangage. Ses cheveux blonds bouclaient autour d'un béret très enfoncé qui lui donnait l'air d'un garçon. Sa peau était brune. Elle tenait ses poings sur ses hanches d'un air décidé. Elle avait beaucoup grandi et me dépassait un peu. Avant de quitter le navire, elle serra les mains des hommes qui riaient. Plaimer, le cuisinier, répétait « Ah, dame, je perds un gentil capitaine, ben vaillant, et qui nous distrayait ben. » Tout le monde accaparait Annie. Le soir seulement, je pus causer tranquillement avec elle. « Si tu savais comme c'est beau une nuit sous les tropiques. Ici, on ne voit pas les étoiles. Là-bas, je m'étendais sur le pont pour mieux les admirer. Et quand on passe par le travers d'une terre et que la brise vous arrive chargée de parfums inconnus, et les noirs qui plongent si bien dans les ports quand on leur jette des sous. Et les requins énormes qui rôdent autour du navire quand on met en panne. Je te raconterai tout cela. J'ai vu des choses si belles, tu ne peux pas savoir. » Elle parlait avec animation et autorité. Ses yeux clairs rayonnaient d'une lumière neuve. En les regardant, je ne devinais plus ce qu'elle allait dire comme autrefois. « Viens-tu au grenier ?» lui dis-je le lendemain. Elle sourit. « Tu y vas encore ?» Et une fois assise dans notre coin, sur des coussins que j'avais disposés exprès pour elle, « Tu devrais essayer d'ouvrir cette fenêtre, il y a une poussière ici, on étouffe !» Elle se lança dans une description enthousiaste de la ville de Saint-Pierre, colorée, joyeuse au pied du Mont Pelé, où elle avait vu des titanes, des jeunes filles, aux mains draps bariolés, dansant la biguine avec leurs doudous, leurs amoureux. Je la regardais, évoquant le temps où, muette devant moi, elle écoutait presque respectueusement mes histoires. « Comme je te trouve bizarre, » remarqua-t-elle brusquement. « Tu ne dis rien. Tu n'as pas l'air gai. Je t'assure que tu as changé. » Et moi, contemplant le large sous la douce lumière du soir, je comprenais que la mer me l'avait prise, maintenant seulement qu'elle était revenue. C'était le retour du Corindon par André Rosay.